Bonjour, alors nous voyons que donc Chilpéric avait essayé de récupérer le Morgengabe qu'il avait concédé à Glasvint dans le cadre de son mariage avec la fille, donc Glasvint qui était la fille du roi des Visigoths. Mais la méthode qu'il avait trouvée n'était pas très satisfaisante puisqu'il avait décidé de l'assassiner en faisant passer en réalité sa mort pour purement accidentelle. Puis il avait respecté une période de deuil en pleurant beaucoup et avait épousé dans les semaines suivantes Frédégonde, qui était cette esclave auquel avait été en butte Glasvint quand elle était arrivée à la cour du roi Chilpéric, qui se trouve à ce moment-là dans l'histoire à Rouen. Évidemment, le roi des Visigoths, l'oncle de Glasvint, considère qu'en réalité sa nièce a été purement et simplement assassinée et réclame évidemment de mettre la main sur le Morgengabe, qui est en fait un énorme territoire qui va de Bordeaux jusqu'au Béarn, et qui jouxte d'ailleurs le royaume wisigothique. Évidemment, ça n'intéresse pas du tout Chilpéric, et ça n'intéresse pas non plus ses frères, Sigebert et Gontran. Mais Sigebert est marié avec Brunehaut, et Brunehaut est la sœur de Glasvint, et elle veut à tout prix que Sigebert fasse respecter cette justice, récupère le Morgengabe et le transmette à l'oncle. À son oncle, roi des Visigoths. Évidemment, Sigebert n'a pas vraiment envie de faire la guerre à son frère. Alors il finit par assigner Chilpéric en justice. Et Gontran s'improvise à ce moment-là arbitre. Il voit tout l'intérêt qu'il peut trouver à cela. Surtout que Gontran, il faut bien se mettre dans sa tête, donc le Gontran, c'est le roi finalement de la Bourgogne, eh bien, est obsédé par l'idée de l'unité du royaume franc. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs têtes couronnées qu'il n'y a pas qu'un seul royaume. Il n'y a qu'un seul royaume. Il faut tout faire pour assurer l'unité du royaume franc. Alors, Gontran organise, convoque en réalité une assemblée des grands du royaume, qui se tient d'ailleurs peut-être à Paris, ce n'est pas impossible. Mais malheureusement, cette. Alors cette assemblée en effet se tient donc à Paris peut-être. Alors rien n'est précisé là-dessus. En tout cas, les assesseurs sont majoritairement burgondes. Il y a quelques Austrasiens. En tout cas, on sait que la sentence ne va pas être favorable à Chilpéric, même si c'est Gontran qui maîtrise un peu la situation et Gontran n'est pas favorable non plus à un affaiblissement considérable de Chilpéric. Il est plutôt pour l'égalité en réalité des puissances des royaumes francs. Et évidemment, la sentence, en effet, ne fait pas de doute. Chilpéric est condamné à être détrôné. Alors, c'est une sentence très lourde, évidemment. Elle est tellement lourde que finalement Gontran et Sigebert se mettent d'accord pour commuer cette peine en amende et en demandant à Chilpéric que certes il conserve son trône, mais en échange il doit donner le Morgengabe au roi des Visigoths. Évidemment, Chilpéric refuse. Et il rentre en guerre contre Sigebert, mais Sigebert, plus expérimenté sur le champ de bataille, finit par vaincre Chilpéric. Sigebert récupère donc le Morgengabe et le transmet au roi des Visigoths, à charge pour le roi des Visigoths de le transmettre à nouveau au fils que Sigebert a avec Brunehaut, qui s'appelle Childebert, et qui est donc par sa mère à moitié wisigothique. Alors, on ne sait pas très bien d'ailleurs si le roi des Visigoths a vu la couleur de ce Morgengabeu, ou si en fait Sigebert s'est contenté de gérer ce Morgengabeu, ce territoire donc allant de Bordeaux jusqu'au Béarn, en transmettant, en payant finalement une redevance au roi des Visigoths. En tout cas, l'unité du royaume franc est préservée. Au profit de Sigebert et de Gontran, et aux dépens évidemment de Chilpéric, qui est évidemment puni, ce qui est logique. Bon, Chilpéric le vit très mal, et souhaite en réalité rentrer à nouveau en guerre contre Sigebert pour récupérer son Morgaine Gabeux. Gontran, toujours inquiet de l'unité du royaume franc, finit par d'ailleurs convoquer un concile à Paris cette fois-ci. Alors là, c'est sûr, le lieu est sûr. Paris, on sait, est une ville neutre, indivise. Et le sujet du concile doit être forcément un sujet religieux qui porte sur une question religieuse, puisqu'il s'agit de rassembler en réalité des évêques. Il n'y aurait aucun intérêt à rassembler des évêques si ce n'était pas pour un objet, une question d'ordre spirituel, d'ordre religieux. La guerre entre rois francs et chrétiens, donc, est-ce que cette guerre est légitime au regard du dogme, au regard de la foi catholique, de la foi chrétienne? Le concile s'ouvre le 11 septembre 573. Elle est présidée par l'archevêque d'Arles, qui est un allié de Gontran, ainsi que la présence quasi exclusive d'évêques bourguignons. Et ça entraîne la déposition de quelques évêques nommés par Sigebert, donc des mesures plutôt anti-austrasiennes. Alors on peut se demander si, à cette date-là, Gontran n'est pas en train de se dire. Chilpéric a été très affaibli dans son royaume. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me rapproche de Chilpéric pour essayer pour essayer de contrer la montée en puissance de mon frère Sigebert? En effet, Sigebert est en fait le roi le plus prestigieux des rois francs. D'ailleurs, une alliance militaire entre. D'ailleurs, Chilpéric décide de rentrer à nouveau en guerre contre Sigebert, puisque ce concile en fait n'a rien donné, et demande l'aide de Gontran. Mais Sigebert se rend compte que Gontran est prêt à pactiser dans une alliance militaire contre lui, et le menace de telle sorte que Gontran préfère rester parfaitement neutre. Et ça aussi, c'est assez original parce que c'est la première fois qu'est utilisé ce principe de neutralité dans les guerres entre francs. En général, la neutralité était très mal vue, puisqu'on considère que le neutre est toujours du mauvais côté. Et là, alors on peut penser que Gontran était influencé par l'Église. Il faut savoir que parmi les frères, Gontran est le plus pieux, le plus respectueux des décrets de l'Église. Donc en 575, néanmoins, Gontran s'allie à nouveau avec Chilpéric et donc Chilpéric, encouragé par cette alliance avec Gontran, sachant que Gontran ne se prête pas à ce jeu-là très, très souvent et très, très volontairement, eh bien, il décide une nouvelle guerre contre son frère Sigebert. Nous allons voir la suite dans le prochain épisode.